C'est la première fois qu'on voit un roi avec si peu de poils. Je vais faire dans la cour des grands une entrée triomphale, en poussant très royalement un rugissement bestial. Majesté, tu ne te mouches pas du coude. Je voudrais déjà être roi. Tu as encore un long chemin à faire, votre Altesse, tu peux me croire. Oh, on ne dit pas. D'ailleurs, quand je dis ça, tiens ta langue et tais-toi. Ce que j'essaie de dire, c'est... Ne te fais pas ça. Il faut que tu comprennes. Sans jamais dire où je vais. Ce lion a une tête de mule. Je veux faire ce qui me plaît. Il est grand temps, votre grandeur, qu'on parle de cœur à cœur. Le roi n'a que faire des conseils d'une vieille comme elle. Si tu confonds la monarchie avec la tyrannie, vive la reine.